des ailes, encore des ailes, des ailes qui brisent l'âme, des creux, puis des pleins, entre le vague à l'âme, des horizons, des îles nues, des aurores boréales, et au-delà, cet inconnu, ce futur qui m'avale. C'est vrai, jusqu'à ce que le vent tombe, qu'il me fasse tomber, jusqu'à ce que le vent tombe, il pousse mon voilier, jusqu'à ce que la pluie m'inonde, et l'échelle sur mes bras. Pense à toi, encore des vagues, et puis des vagues, des larmes, toujours des larmes, qui se plantent à l'âme, des yeux étranges, toujours des yeux, de ceux qui font de l'âme. Et au-delà, cet inconnu, ce futur qui m'avale, où le vent me tire, je vais, où le vent me porte, c'est vrai, jusqu'à ce que le vent tombe, ou qu'il me fasse tomber. Jusqu'à ce que le vent tombe, il pousse mon voilier. Jusqu'à ce que la pluie m'inonde, le ruisselle à mes pieds. Je vais vers toi. C'est vrai, jusqu'à ce que le vent tombe, qu'il me fasse tomber, jusqu'à ce que...